On va vous parler du programme de la journée avant de passer au partage d'écoute. Toute la journée en discontinu, il y a les installations sonores de Suzanne Boulet, Lacholas, Matteo Lutti, Benoît Renaudin, Radio Zine que vous pouvez venir observer en matinale et puis aussi durant la journée pour le volet fanzine, la librairie qui ouvre je crois à 18h. Et puis, il y a une installation aussi de Natalia Dominguez-Rangel qui se trouve aussi en face de nous. C'est une magnifique bonnette qui a été conçue pour être coiffée et devenir un microphone. Donc, à 12h30, il y aura le partage d'écoute de Céline Henny. C'est-à-dire maintenant. Ensuite, 14h, 15h, Arthur Chambry, Lucas Declercq et Ranil May qui performeront donc entre 14h et 15h, et puis ensuite plus tard à partir de 22h30 jusqu'à minuit. Ensuite, de 15h à 15h30, Martha Forsberg au Centre d'intégration culturelle, Lacholas, un concert performance de 18h à 18h30. Ensuite, 18h30, 19h30, Steven Katsuo Takasugi sera dans le salon d'écoute. Eric Vubel, 21h, 22h, dans la grande salle, un concert. Et puis, voilà, on finira avec Arthur Chambry, Lucas Declercq, Ranil May, et c'est tout, à peu près. Exactement. C'est et beaucoup. Maintenant, on va basculer sur le partage d'écoute de Céline Henny, qui se trouve donc dans la salle qui porte un nom. Est-ce que tu peux m'aider dans le salon d'écoute? Dans le salon d'écoute. Oui, c'est facile. Très bien, donc nous on vous retrouve demain à 11h et puis n'hésitez pas également à proposer des contributions pour la radio, c'est tout à fait ouvert et souhaitable. Donc voilà, on est dans le couloir, venez nous voir et on se retrouve demain. Bon partage d'écoute. Ciao, ciao. Ciao.